Eux deux là. Quoi? Bah ouais, j'avais tout saboté, vous avez. Est-ce que je te préviens? Ouais, j'avais récupéré deux. J'ai récupéré deux personnes qui écoutaient Punk ce soir. Je peux être sûr que demain je vais. J'ai des échos, hein. Pourquoi? Hey, Noémie, c'est la dernière fois que je te demande de participer au standard, hein. Bah, ah bah ouais, attends, je te demande de prendre des auditeurs, t'en as pris aucun, t'as laissé les lignes sonner. Mais comment ça se fait, ça? Elle est pas assez rapide. Ouais, mais t'as c'est pas son taf. Eh hey, oh, Moustache, c'est pas son taf à la base. Hey. Bah ouais, mais quand même. Ouais. Et quand elle était avec toi pendant que Manu il était pas là, alors comment que ça se passait? Bah, oui, je faisais tout. Comme d'habitude, hein. Bah ouais. Ah ouais, enfin, mais attends. Attends, il faut quand même trouver la solution là. Parce qu'on n'y arrivera jamais là à faire un. Bah la solution. Ouais, elle est simple. Non mais t'inquiète pas, ça passe pas longtemps là, il y a le disque. C'est vraiment une cave. Non mais. Qu'est-ce que tu m'annonces là? Bah quoi, le petit Roswell il est partout de Marseille. Mais mets le son. Mets le son ici. Je peux pas. Mets le son ici, je te dis. Non, mais attends, ceci dit, la semaine prochaine, on fait pas un même débat avec de la merde pareil, parce que là, ça. Moi, ce qu'on comprend pas, c'est que toi, quand tu fais tes débats, ça se passe bien, et quand c'est moi, c'est le bordel. Alors, je voudrais savoir parce pourquoi. Que tu sais pas, c'est incompréhensible. Ouais, mais attends, tu peux faire n'importe quoi. T'as mis une heure à te réveiller. L'autre, il pouvait foutre le dernier. L'autre. Mané, là, il est même pas capable de virer un auditeur qu'on lui dit. Mais toi, j'entendais rien ce soir. T'entendais rien, tu le faisais exprès. Je te jure. Tu l'as fait exprès ce soir. Tu t'es dit, reviens, il va nous faire chier, ben je vais le faire chier aussi. C'est tout ce que t'as fait. Non, j'entendais pas. C'est tout ce que t'as fait, t'as voulu ça, vous avez cinqué l'émission. Hein? Vous avez foutu votre merde, vous y avez réussi. À cause de vous, on a perdu. Ah bah là, non, mais là, de toute façon, on a fait, c'est une catastrophe au niveau de l'honneur. Ah non, on a gagné, il y a 1-0. On a rien gagné. La Pologne a perdu. Que ça a été à peu près bien parce que Max était là, mais aujourd'hui, vous avez merdé. Alors, c'est terminé, moi, si c'est des débats de merde qu'on paie, c'est plus la peine. La semaine prochaine. Ah, ta gueule. Ta gueule, toi, bah, dégage des studios, ce petit bois. Et toi, est-ce que les micros, ils marchent correctement? Parce que ce soir, c'était de la merde. Taf de merde. Mais regarde les câbles, regarde ça, c'est ni fait ni affaire. C'est quoi là? T'es payé à quoi foutre? T'as branlé les couilles dans ton studio? Ouais, et par des hommes en plus. Ah, t'es même pas capable de. Sérieusement, c'est vrai. Mais c'est quoi le jingle là que tu nous as mis mardi? Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi ce bordel, le jingle de débat, c'est quoi? Bah ouais, je sais. Bah ben, tu repais des jingles, tu te démerdes. Je vais bosser, ok. Bah ben, t'as que ça à foutre toute une journée. Parce que là, quand on va faire le débat. Moi, je veux que le débat des routiers se passe mieux qu'aujourd'hui. Hein. Ça va être la catastrophe. Hein. Mais je vais essayer, je peux pas. Non, mais il n'y a pas, je vais essayer. C'est sûr. Et je veux que ça soit, qu'il soit impeccable. Pour le son, c'est pas impeccable. Moi, je veux plus de 10 000 personnes sur l'internet et je veux que l'audience, ça monte à 3 millions. Ah, voire 5. T'as vu ça? Toi, t'en as fait 17 millions, t'es tombé à 1 million, c'est minable ce soir. Ah, ouais, j'en veux plus. Pour le débat des routiers, j'en veux plus. Ce débat-là, je veux pas qu'il foire. En plus, il y a la CB, quoi. On fait les deux d'un coup. Je mélange les deux. Et là, avec les frères Pogdanov, vous allez pas la foirer l'émission parce que vous avez perdu vos gueules. Qui parce qu'il sera là, le chef. Avec qui? Avec Douchka et Vigor. Ouais, et puis Max, il sera là, donc vous fermerez vos gueules. Voilà. Et là, hein, alors, mais quand c'est moi, vous foutez votre merde. Oh, vous êtes deux branleurs. T'as fait une thèse, toi? Ta gueule. T'as fait une thèse ou pas, toi? Quand t'as fait ta thèse, on pourra en parler. Écrase. Ouais, faut arrêter, quoi. Moi, je suis pas. Manière, c'est simple. On va réécouter les copies. Non, mais la copie va être faite parce que j'ai quelqu'un que Sandia connaît, que ses parents ont écouté, parce que je passais ce soir. Ça a été enregistré. Alors fais-moi confiance que demain on va avoir des nouvelles. Et le môme, il a 3 ans et demi. Je signale, j'ai refait venir deux autres auditeurs encore que je connais d'où qu'on est. Hein, moi, je vous fais ramener du monde et vous me saquez mon boulot. Et 3 ans et demi. Bah ouais, mais lui, il écoute parce qu'il aime bien. Ce qu'on va faire, c'est. Mais dis-moi, moi, je le rappelle sur tes débats. T'as qu'à faire une réunion un week-end et puis tu réécoutes le débat. Hein. Ah, moi, je suis pas là le week-end, attends. Ah, moi non plus, là, attends. Dimanche, si je dois faire une réunion, tu seras là dimanche. De toute façon, moi, je suis au 35 heures. Hein, tu fais quoi le week-end? Je fais 35 heures, c'est tout. Voilà, non, de toute manière, toi, de toute manière, tu viens jamais le dimanche. Hein. Toi et ton bébé rose, ça va. Hein. Non, mais il faut faire une réunion. Non, par contre, dimanche, Fulder, tu te démerdes, je viens, je fais une réunion. Non, non, tu viens pas, je suis pas là. Je m'occupe des Bogdanov pour la réunion pour qu'elle soit. Non, je m'en fous, je viens lundi. Tu peux faire ça. Lundi, on peut la réunion. Non, mais non, viens dimanche, comme il y a William Beat, tu pourras faire le gland, toi. Mais toi, tu pourras faire la pute chez toi avec ton bébé rose. Ah, j'y retourne là. Vas-y, t'as qu'à y aller. Lundi, je viens, on fait la réunion lundi soir. Alors, tu peux venir lundi matin, ça m'arrange. Alors, prendre mon casque. Vers 9h, tu vas gagner un lingot chez Bob. C'est ça. Tu vas nous poser un lingot dans le couloir. Comme ça, tu pourras rembourser tous les frais que t'as engrangés avec. Ouais, voilà. Après, avec Iversen. Ouais, fait tard, attends. Ah, non, je peux pas. Non, je bouge, mais attendez. Elle a peut-être été prise en otage en vrai. Il va la chercher. On s'est peut-être fait enlever. Allez, viens la chercher, putain! Ils vont lui mettre une sonde. Viens, tu veux qu'on se mette un coupon dans le cul pour y aller premier? Il est grave. Oh, non, mais attends, mais là, c'est incroyable. Là. Tu parles pas de Sandy comme ça. Bah, je voulais lui dire au revoir avant de partir. Non. C'est pas ça, attends. Alors, laisse-la venir, tu vas voir comment qu'elle va te massacrer. Bah, je voulais qu'elle m'attende pour lui faire un bisou. Ouais, ouais, c'est ça. Toi, une tarte dans ta gueule, ça va pas te parler, gars. Non, c'est japonaise, en fait. Y'a pas de problème, moi, j'attends, hein. Ouais, elle va venir, tu vas voir. Donc, on a fini à combien, alors, à peu près 8000. On a fini à 8000 et quelques, je sais plus combien exactement. 8008 Ouais. Ouais, bah. Par contre, faut qu'elle se réveille, puis je suis crevé, moi. Ouais, bah, tu fous rien de la soirée. T'as presque rien foutu, alors. Mais comment ça se fait, ça, alors? Tu fais un débat une fois par mois, et t'es même pas capable de gérer ton équipe. Le mois dernier, t'étais pas là. Ouais, ils font exprès, à chaque fois. Ils font pas exprès. Avant d'arriver, maintenant t'y arrives pas, donc. Mais comment que ça se fait que quand c'est toi, ils foutent pas la merde? Quand tu dis quelque chose, ils font tout de suite. Et dès que c'est moi, ils foutent leur merde. Mais pourquoi? Non. Bah si, ça a été le bordel. À quel moment? Tout le long de l'émission, ils ont pas arrêté. Impeccable. Ils ont foiré les débats. Ils l'ont foiré, alors. Quand j'ai dit qu'il fallait virer Capitaine Flamme, il est revenu, on sait pas pourquoi. Bah, elle me passe un auditeur, Gérard. Je reconnais. Mais ouais, mais de toute manière, fallait pas qu'il s'amuse à mettre des disques. Jean-Pierre Sauzer, lui, va falloir qu'il scanne parce que... Faut pas le passer. C'est croyez qu'il voulait parler, qu'il voulait faire le débat. Ouais, mais il voulait faire le débat, c'est apparemment. Voulu, on l'a rappelé, hein. Quand on va faire le débat sur les routiers, sur les débats routiers... Il bang ou quoi, là? Lui, il va se prendre une claque dans sa gueule. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, moi, je vais lui faire un bisou avant de partir, et lui, t'as vu ce qu'il fait? C'est bien. Je sais pas, il traînait un truc par terre. Là. Ah ouais, mais c'est ta guitare, hein, je te signale qu'il traîne par terre comme pas, ça. Non, une vieille charogne, plus. C'est ta guitare, hein. Ah, je te faire sucer. Oh, putain, c'est chaud. Cavale, viens, attends, laisse tomber. Elle est où? C'est bon. Elle est où? Mais non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie en boîte avec des copains à elle. Elle est où? Allez où, tu démerdes? Mais Vigil, ils m'ont dit qu'elle était partie. Non, tu vas la chercher. Mais reviens, attends, on va voir. Va la chercher, Olivier. Tu vas la chercher. Elle est partie avec des copains, elle revient à 3h. Tu vas la chercher, t'as 5 minutes. Va la chercher. Bagne-toi. Va chercher la grosse. Bagne-toi, t'as 5 minutes pour la ramener. Allez. Bagne-toi. Allez, Gérard, mais attends, finis cette réunion, là. Ah. On ne sortira jamais, Tilda, elle est où? Ouais. Et puis, descends avec lui pour voir... Non, on a besoin, c'est la ramène. Bon, il est où l'autre PD, là? C'est là. Reviens. Je suis fatigué, moi. Allez, dépêche-toi. Allez, ramène ton Roswell. Après, on y va, là. Ah ouais. Engueulé, j'ai dépassé mon quota d'heure, moi. Ah, y aller, là, quand même, merde. Bon. Bah, Tilda. Oh, putain, il commence à me gonfler, celui-là, aussi. Hein? Ah okay. Bah tiens, la voilà. Ouais, c'est ça, t'as raison. C'est trop con. Cool. C'est bien pour toi, ça. C'est pour Sonny, tu pourras lui faire un gros câlin, elle. Oui. T'es content d'avoir saccagé le débat? Ouais, sympa, ouais. Ouais. Non, mais là, c'est pas drôle, quoi. C'est bien parce que pour le retour, tu saccages tout. C'est saccagé, on a fait ce qu'on a pu. C'est bah, oui, bien sûr. Avec des fils qui traînent partout, t'appelles ça pas saccagé, tu t'amuses à mettre des doubles sons, t'as pas saccagé l'émission. Non, au standard, t'as pas foutu ta merde. Non. Pilote, ça va, toi, on te paye à rien foutre quand t'es à l'arrière. T'as besoin de te tirer comme un gros veau. Bah ouais, ça me faisait chier. T'avançais pas, tu gérais pas tes auditeurs, moi ça me garde. Mais de manière c'est simple, moi si ça continue, Rigo il va plus perdre d'internet, il va perdre du standard. Hein. Bah allez, banco, moi je suis pour. Bah le mois prochain. Levez la main, levez la main. Si ça continue, moi le mois prochain, je mets ça. Hein. Mais dans la tête, c'est pas bon. Moi je suis pour, hein. Ouais, moi aussi je suis pour. Ouais, mais comment tu vas faire? Tout le monde est pour. Allez, Lou! Qui sait comment ça tu vas faire internet si je fais le standard, Gérard? Putain, je vais faire internet. Bah ouais, mais dans ce cas-là, y a que toi qui bosse bien, toi, je sais pas. Alors, attends, sinon, Rigo, c'est ça? Bah attends, on peut très bien mettre standard au Rigo avec le standard. Regarde, on va mettre le standard à côté de l'AREA avec l'internet, il fait les trois, hein. Non, quand même pas. On va, faut trouver quelqu'un pour l'AREA. Et à la limite, même, tu prends les questions et puis Gérard, tu le pèges et puis tu fais les débats. Ah, au moins, je saurais ce que c'est un ovni. Non, bah ça, le débat sur les routiers, c'est un débat très délicat parce qu'on va, on va aborder les 35 heures, on va aborder le chômage, on va porter les putes, on va aborder tout ça. Et s'il y a une merde, la Sibi, tout ça, hein? Là, s'il y a une merde, ça sera là. Avec Guigou et compagnie. Non, je m'appelle pas Jean-Pierre Sauzère pour faire des conneries comme ça. D'accord, on va en parler. Si t'es pas capable de gérer comme tu l'as fait ce soir, à te laisser déborder. C'est pas lui qui s'occupe du truc des transports. Si tu te laisses déborder par les événements, là, on va parler de politique dans un mois. Qu'est-ce qui va se passer? Ben non, mais forcément, on va parler des routiers, des grèves, des 35 heures. Ouais, mais ça, les 35 heures, c'est sûr qu'on va en discuter, ça. Il y a probablement des responsables de syndicats qui vont appeler. Ah ouais. Et qui vont pas être d'accord. La CGT, l'IVG. Si on est débordé par deux mecs comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que des c'est bien d'air, là, comme connerie. Bah, j'ai dit les syndicats, la CGT, l'IVG. Ouais, l'IVG, tu sais ce que c'est? C'est un syndicat? Non, c'est interruption volontaire de grossesse. Ah, excuse-moi. Ça n'a rien à voir avec les syndicats, ça. Faut pas confondre, hein. Faut pas confondre, hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai Olivier, là, qui a l'accueil. Ouais, t'as raison, il est dans son studio de pro. Mais non. Il est dans son studio. Olivier. Oui. T'es où, là? T'as l'accueil? Non, il est pas à l'accueil, il est dans son studio. Il est dans son studio, je l'ai vu dans son studio. Écoute-le. Il est passé dans son studio. Vraiment parti depuis moins de demi-heure, et des copains, ouais, parce qu'il faut que j'aille la rejoindre. Tu vas te faire foutre, t'es dans ton studio, tu te démerdes. Elle est en boîte. Elle est dans quelle boîte? Dans les 69. Ah, pas 69. Attends, il est allé dans le tuyau de prod. Fais gaffe, Olive. Ferme la clé. Olive. Barricade-toi. Barricade-toi. Non, c'est chaud. C'est bon? Alors Olivier? Oui. T'es où, là? Je suis à l'accueil. Ah, il est vraiment à l'accueil. Il est béreux, bon, Gérard. Ah, je suis fatigué, moi. Moi aussi, là, faut que je rentre. Là. Gérard! GG, on m'attend, même toi. Moi aussi, hein. Il est à l'accueil! Il est à l'accueil! Il est à l'accueil! Il est de l'autre côté. Parle-lui. Ouais, bah, c'est bien vu. Il n'est pas à l'accueil. Ah bon? Parce que je l'ai vu passer, il est passé dans son truc. Elle est peut-être partie chez Monsieur Mazur. Non. Non, mais on fait le débat sur les routiers. On va aborder le sujet délicat de la politique. Ça peut pas se permettre d'avoir les mêmes débordements qu'on a eu ce soir. Et pas d'auditeurs naze, hein. Non, mais toi, tu n'as jamais les entrées, quoi. Non, mais moi, je prends pas, moi, je veux pas de bordel. Tu veux que ça déconne, les routiers? Tu veux qu'on chiche les routiers? Non, mais attention, là, si je fais ce débat-là, je veux pas des nazes au standard, hein. Et puis, venez avec des modes d'emploi de Sibi, parce que... Oui, mais ça, j'en ai. Je vais en avoir, moi. Ah, c'est d'accord. Comme pour les ovnis, hein. Ouais. Après, pareil, hein. Ah. Non, mais attends, les omnis, de toute manière, je vais regarder ce que ça veut dire et ça m'étonnerait que ça veut dire ce que tu m'as dit. Ah non, mais c'est pas mal, c'est pas à 2h48, à 2h18 après le débat qu'il faut regarder, c'est avant. De toute manière, vous allez pouvoir le débat, de manière, c'est simple. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, le mois prochain, on verra. Voilà, exactement. On verra ça, c'est quand le dernier. C'est vrai, mais lundi, on va peut-être faire une petite réunion mardi dans la salle. Ouais. On verra donc, justement, si tu veux bien pour la réunion, tu pourrais aller voir la compta pour mon augmentation ou pas? Tu vois? T'étais où, toi? T'étais pas en bas? Non. T'es un menteur. Allô, je te dis que non. Oui, la sécurité d'RTL. Oui. Oui, on voulait savoir si Sandy était sorti. Oui, il est sorti. Voilà. À quelle heure? Oh, il a quoi? Il a plus d'une heure maintenant. Je te le dis, je te le dis. Et avec qui? Je te le dis, pardonne-moi. Tout seul? Oui, moi je suis sorti tout seul. Elle est partie. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure. Au revoir. Malin. Venir à la porte. Non, mais non, mais elle est partie avec des copains qui sont passés à la porte. De toute façon, il n'y a pas de porte. Donc... pas besoin de clé. Hein. Bon, c'est. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà. Zoom, zoom, zing.